Au nom d'Allah, le tout clément, le tout miséricordieux. Dis, ô vous les mécréants, je n'adore point ce que vous adorez, pas plus que vous n'allez adorer ce que j'adore. Ni moi, je ne vais adorer ce que vous avez adoré. Pas plus que vous n'allez adorer ce que j'adore. Vous, vous avez votre religion, et moi, j'ai la mienne. »